Corps rouge, je crois que la cosse. De sauver sur son front. Piton au dos, son cou. Il est là pour tant à nous. Mi coupe en carré bleu. On prend ça tout comprend. Bon action, mi entreprend. Pas vous fait le serrier. Y'a preuve à moins de ganga. Propos de type très rare. Extincteur, c'est la foi. Donc, mi cite religion que très rarement. Mi préfère prendre mon temps. Et profite de mon espace. Loupe mon lâche, fume tracé. Écoute tout ce qui se passe. Écoute le vent dans la plaine. Il remplit mon poumon en somme brouillard. Mais égare à moi du troupeau. Car il préfère voir de mes yeux pour croire. Mon ennemi est dans mon miroir. Il doit compter son manque de volonté. Il s'y fait pas trop l'intérêt. Car il est un amour pour un peu placé. Comme ici pour déglacer. Zéro tolérance pour me déplacer. Le terrain est déclassé. Run pour faire mon sien dans un cage glacé. Demande la force en l'air, rien que l'Ida est traite que bonne tête foirée. Rien que bonnes enfoirées, vie trois autres frères dans un ton carré. Il fait le son prévade à moi, un fleuve et montagne, mais t'es les portes à moi. Fumée noire au loin, mi reste concerné. Ça clé l'autre côté sera là demain, toutes les dans notre main. Seulement faut pas nous craindre, le bon faux dragon, il crée tout fardeau. Un radeau en fier dans la live, une toute crapo, mi lève mon glaive. Donne un fauteuil en croque et m'anglaise. Les autres dans la bouffe veulent pas rester à mon aise. Mais vu l'Afrique, il coule bonne liasse. Je veux pas un type en faire son place. Il aimerait Javier les glaces. Mais tout ça pour l'instant sera rien que dans le casque. Le déguisement peut être n'importe quoi. Ou tourne d'un gob, si on fait le cri. C'est-à-dire mais faut rester méfiant. Car le monde autour de nous finit par en fumer. Tout au tard, le plus puissant sera affumé. Tout au tard, le petit sera affamé. Ne va penser à trop grand. Partage la dimanche. Si rien ne change, car rien ne change.